Tous les coups c'est pareil, les jours, les semaines c'est cool, les enchaînes ça t'arriver au plus vite, tu seras quand même en retard, c'est sûr. Je peux nous interdire, mais on va quand même marcher dessus. Vous avez pas les mêmes parents, mais bon, c'est quand même ta sœur. Ton pote a une calvitie, mais il va quand même chez le coiffeur. Tu tiens pas l'alcool, mais t'as quand même baptisé. Tu crois pas en Dieu, mais t'es quand même baptisé. Crois pas au fantôme, mais t'es quand même effrayé. T'as mis un stop, t'as quand même essayé. Ton meilleur pote, toujours en retard, souvent un sacré connard. Mais quand tu bois du noir le soir, c'est quand même lui qui vient te voir. C'est juste une égratignure, toi tu fais quand même le mec courant. C'est censé être un secret, on est quand même tous au courant. À ton anniversaire, des cadeaux pourris par centaines. Un livre, un pull en laine, merci quand même. T'aimes pas qu'on tape la flemme, c'est grave, les mêmes journées défilent. Mais tu te lèves quand même pour ton fils ou pour ta fille. La voisine te garde, mais toi tu restes quand même poli. Tu détestes le rap, tu kiffes quand même du flow et holy. Encore une journée de merde, mais tu te lèves quand même. T'as pas quitté le son, tu lèves ta main quand même. Tu sens pas trop le truc, mais tu y vas quand même, quand même. On fait pour les gens qu'on aime. Encore une journée de merde, mais tu te lèves quand même. T'as pas quitté le son, tu lèves ta main quand même. Tu sens pas trop le truc, mais tu y vas quand même, quand même. On fait pour les gens qu'on aime. Tous les coups, c'est pareil, mais tous les semaines, c'est cool, les enchaînes, ça me saoule. Tu rentreras jamais dans cette boîte, mais tu tentes quand même le coup. Le samedi, mais je me suis levé quand même, et je pensais qu'il y avait cours. T'as beau jouer le grand sportif, t'as quand même des courbatures. On est beaucoup trop pour une Clio, mais on prend quand même la voiture. Tu vas faire les courses et t'as pas pris la liste. T'as oublié un truc, mais tu fermes la valise. Tu la détestes, tu feras quand même la bise. Toujours pas parti, tu diras quand même j'arrive. Mon rap, c'est trop du lourd, toi et ton frère, c'est trop la folie. Merci. Allez, à plus, Big Flo. Non, moi c'est Oli. Tu flippes, mais tu fais quand même le beau du haut du plongeoir. Je dis bonjour, mais ce type me répond quand même. Bonsoir. T'as pleuré toute la nuit, t'es mal. Tu dis quand même, ça va. On demande une rue, tu connais pas, tu réponds quand même, là-bas. Ça marche jamais, t'y crois pas, mais tu fais quand même un peu. Elle sort avec ce gars, t'es pas jaloux, mais bon, quand même un peu. On l'a écouté 100 fois, mais on dansera quand même sur le tube. Y'a plein de chaînes à la télé, je regarderai quand même la pub. On l'invite quand même, même si comme d'hab, il va nous saouler. Au départ, ma fête était blanche, j'ai quand même écrit ce couplet. Avec ma mère, c'est tendu, je lui apporte des tas de problèmes. Malgré ses malentendus, je sais qu'elle m'aime quand même. Encore une journée de merde, tu te lèves quand même. T'as pas quitté le son, tu lèves ta main quand même. Tu sens pas trop le truc, mais tu y vas quand même, quand même. On fait pour les gens qu'on aime. C'est pas bon pour la santé, tu prends ta clope quand même. On avait dit pas d'invité, t'amènes 10 potes quand même. Cette meuf est pas très bonne, mais tu la chopes quand même. On n'arrête pas de te dire que t'es meuf, mais tu te crois grosse quand même. Quand même. Demain y'a le tard, mais tu regardes le match quand même. Ton père fait toujours la même blague, mais tu te marres quand même. T'as dans l'album, mais tu le télécharges quand même. Tu râles quand même, tu tapes quand même, tu râles quand même. Encore une journée de merde, mais tu te lèves quand même. T'as pas quitté le son, tu lèves ta main quand même. Tu sens pas trop le truc, mais tu y vas quand même, quand même. On fait pour les gens qu'on aime. Encore une journée de merde, mais tu te lèves quand même. T'as pas quitté le son, tu lèves ta main quand même. Tu sens pas trop le truc, mais tu y vas quand même, quand même. On fait pour les gens qu'on aime. C'est pareil, tous les semaines, c'est cool, les enchaînes, ça soumet quand même.